ASMR beat making. Ils ont voulu que je mange les restes. Tenter de retourner ma veste. Aller-retour Drancy, Nord Prado. Pas le temps, je te laisse juste un zeste. Sombre et noir, ce qui se passe sur Paname. La Provence trouve ça pas mal. Si ça toque à six au clock, t'ai-je mes affaires, dis-leur que tu pars. Je mets qui passe du Banks au jet. Si tes bas vont gâter, je te check. Je me fais plus courser par les decks. Paris, Marseille, tout pour le bec. Tu l'as vu dans mes yeux, je donnerai tout pour mes royaux. Que ta mère en Ardèche, t'es pas mon Kadesh. Boum dans la cabesse, c'est le buzz et le rap baisse. On a connu la hesse, on ira vendre des clopes à Barbès. Le jour du partage, c'est le carnage. Y'a du sang et des douilles sur le carrelage. J'ai fait un braquage au festival de Carthage. Sur la mec avec des traîtres à mon mariage. J'fais un côté main, j'fais passer des cotes à caisse. T'as perdu au poker, allez dans ta caisse. J'suis dans le top pendant que l'homme rabaisse. Homme rabaisse, homme rabaisse. Elle me donnait pas l'heure, aujourd'hui elle marcelle. J'suis posé à Belle, posé à Saint-Marcel. On me la fait pas gros, je viens de Marseille. J'quitte la zone, ça craint un max, max, max, max, max. C'est le foutoir comme dans Mad Max, max, max, max, max. Ça t'allume, ça repart en T-Max, max, max, max, max. Grand classico, j'la mets dans l'axe, l'axe, l'axe, l'axe, l'axe. J'aime quand c'est carré, quand ça parle pas trop, qu'elle fait pas de manière. Mets-toi à l'aise, j'te baisse les tarots si tu viens du 13. J'aime pas faire des promesses, paye en espèces. J'espère t'es pas comme ces vieux mecs, menteur malhonnête. Personne peut m'arrêter, dopé, la musique m'a bercé. Le G nous a rassemblés, c'est chaud, on va tout casser. On a charbonné pour grailler, maintenant fais des choses pour la maman. Tout ce qui rentre dans le compte sera triplé à la fin du comptage. C'est Marseille, Paris, on arrive fort en équipe. Tu nous cherches en technique, mais dis pas qu'on est qui. Tu as des Opinel 13 et des baskets qui piquent. Y'a ta moula unique, tu connais la musique, y'a. Pour 10 kilos, mandat dépôt, petit pilote, équipe sur tes côtes. T'es toxico, sorti d'école, consomme qui tourne dans le taxi folle. Y'a ta pure comme Tony M, colombienne ou bolivienne. Elle cache tout dans son bonnet M. Elle me fait tourner la tête, tête, tête. Mais j'tourne pas ma veste. Fidèle au terre, terre, terre, terre. Moi j'suis dans ma tête. J'quitte la zone, ça craint un max, max, max, max, max. C'est le foutoir comme dans Mad Max, max, max, max, max. Ça t'allume, ça repart en T-Max, max, max, max, max. Dans le classico, j'la mets dans l'axe. J'aurais rêvé de faire les gros titres, mais beaucoup terminent au JT. Y'a que pour caf qui débutent de shit et qui finissent à quitter. On a grandi sur demain, c'est loin. Maintenant demain nous appartient. On est passé du kilo à la tonne, quand t'as pris le virage commercial. On va se refaire sur un dernier coup comme Yon et sa basse. Avec le même vote que nos dents au Bahamas. Finir proprio comme Alex, j'te souris mais bon fait bel ec. Les balles font les prix d'un Capricorne. T'auras la couronne sur ta tombe, hey Dadji. Je me suis fait tout seul, j'ai compté sur les gens, j'ai fini tout seul. Encore 8 albums et je bouge sous le sol. Mais ouais mon cousin, j'suis de la bande organisée. Avec ma gadi sur le T-Max, que je le mets sur une roue. J'évite les BDH comme les seins sous écrou. Moi j'aime pas les traîtres qui trahissent l'équipe. Papa, demande au S, que je suis star. NAPS, que je je suis star. Préfère entendre mais n'écoute pas. Ça vient du 13, c'est le grand classico. On vaccine comme Pfizer, on gère les affaires comme Nasser. Trop de spi, sur terrain comme un phaser. J'connais tous les vendeurs, tous les casseurs. J'assure, reste attentif face au danger. Touche un de mes frères et on viendra se venger. Me parle pas de kill, t'as jamais vu de changer. T'as fait une garde d'ave, tu veux déjà te ranger. 9-4-1-3, braquage, mafia, Dubaï, Marbella, Jima, l'Afia. J'connais tes gars, ils sont pas fiables. J'connais mes gars, on n'est pas des Attaï. Arrêtez salade mon grand, c'est qu'on n'est pas né d'hier. Là c'est bim bim, que les troncs verts à la sablière. J'quitte la zone, ça craint un max. Max, max, max, max. C'est le foutoir comme dans Mad Max. Max, max, max, max. Ça t'allume, ça repart en T-Max. Max, max, max, max. Grand classico, j'la mets dans l'axe. L'axe, l'axe, l'axe, l'axe.